Quand j'ai envie de briser mes chaînes, de déchirer mes habits de soldat, sous les vents froids d'une morne plaine, combien de nous sont morts déjà? Que tous nos chants ne sont que prières, et que nos jeux sont des combats. Quand de nos vies on sème la terre, qui sait ce qui l'y poussera? Je n'écris pas une lettre d'amour, n'écris pas mes mots sur du velours. C'est du sang des soldats, l'encre que tu liras. Je n'écris pas combien je t'aime encore, tous mes pleurs la nuit quand je m'endors. C'est des larmes de moi, l'encre que tu liras. J'ai envie de tout foutre en l'air, de me sauver pour courir vers toi. Je me souviens du cri de mes frères, combien d'entre eux sont morts déjà. Je n'écris pas une lettre d'amour, je n'écris pas mes mots sur du velours. C'est du sang des soldats, l'encre que tu liras. Je n'écris pas combien je t'aime encore, et tous mes pleurs la nuit quand je m'endors. C'est des larmes de moi, l'encre que tu liras. Ce soir je sais une autre prière, pas à genoux mais couché par terre. Je ne sais pas pourquoi j'ai tellement froid. J'ai eu une tache sur ma chemise, je crois. Je n'écris pas une lettre d'amour, je n'écris pas mes mots sur du velours. C'est du sang des soldats, l'encre que tu liras. Je n'écris pas combien je t'aime encore, et tous mes pleurs la nuit quand je m'endors. C'est des larmes de moi, l'encre que tu liras. Je n'écris pas une lettre d'amour, je n'écris pas mes mots sur du velours. C'est du sang des soldats, l'encre que tu liras. Je n'écris pas combien je t'aime encore, et tous mes pleurs la nuit quand je m'endors. Des larmes de moi, l'encre que tu liras, l'encre que tu liras.